Waio. De faire les réglages, on est passé à autre chose. Déplace-toi, viens à côté de moi. L'épais brouillard, les apparences. to decide. Pousser,